بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue, chers frères, بارك الله فيكم. اللهم بارك. Le hadith numéro 15. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهد قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Selon Abi Hurairah radiallahu anhu, qui dit avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, inna awwala an-nas, le premier, c'est-à-dire les premiers, car ils sont plusieurs, les premières personnes dont on sera, donc les premières personnes qui seront jugées au jour de la résurrection sont un homme qui est mort en état de martyr. Ici, ce qui est voulu en état de martyr de façon apparente. Il est mort en état de martyr de façon apparente. Alors, on viendra avec lui et on lui montrera les bienfaits d'Allah sur lui. Celui-ci les reconnaîtra et on dira, ou du moins ici, ce qui est voulu, fait qu'Al, les savants nous disent, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui dira à cette personne: qu'as-tu fait des bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordé? Qala qataltu fik, j'ai combattu par ta cause ou pour ta cause. J'ai combattu pour ta cause jusqu'à ce que je fus tué. Et donc, à ce moment-là, il lui sera dit, kadhabt, tu as menti. Cependant, tu as combattu afin qu'il soit dit courageux. Celui-ci est courageux. Et certes, cela fut dit. Puis, celui-ci sera tiré par le visage et jeté dans le feu. Et un homme qui a étudié la science, qui l'a enseigné et qui a lu le Coran. Alors, on viendra à celui-ci, puis Allah tabaraka wa ta'ala lui fera reconnaître ses bienfaits sur lui et celui-ci les reconnaîtra. Il dira, فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا, qu'as-tu fait des bienfaits qui t'ont été accordés? Il dira, تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. Alors cette personne dira, j'ai appris la science et je l'ai enseigné et pour ta cause, j'ai lu le Coran. Il sera dit, كَذَبْتُ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئ فَقَدْ قِيلَ. Certes, tu as menti. Il lui sera dit, certes, tu as menti. Cependant, tu as appris la science afin qu'il soit dit, celui-ci est un savant. Et tu as récité le Coran afin qu'il soit dit, celui-ci est un récitateur. Et certes, cela fut dit. Les gens ils l'ont dit, ils ont dit, un tel c'est un savant, un tel c'est un récitateur, etc. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. Ensuite, il sera ordonné donc que cette personne soit jetée dans le feu et donc il sera tiré par le visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ. Et un homme dont Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé beaucoup de bienfaits et Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé beaucoup de biens, beaucoup d'argent. فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. Alors on viendra avec lui et Allah lui fera reconnaître ses bienfaits, celui-ci les reconnaîtra. قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا. Il lui sera dit, qu'as-tu fait des bienfaits qui t'ont été accordés? Il dira, مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. Je n'ai laissé aucune voie du bien dont tu aimes qu'on dépense dans celle-ci sans que j'ai dépensé dans celle-ci. Je n'ai laissé aucune bonne action. Je n'ai rien laissé sans que j'ai dépensé dedans. J'ai dépensé dans tout ce que je pouvais dépenser, je l'ai fait pour toi. Alors là, il sera dit à cette personne-là, وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ. Et certes, tu as menti, tu as fait cela afin qu'il soit dit, celui-ci est très généreux, il donne beaucoup. Et certes, cela fut dit, فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ. Ensuite, cette personne donc sera tirée par le visage et sera jetée dans le feu. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيِّ. Rapporté par Muslim, Ahmed ainsi que An-Nasa'i. Oh, chers frères, ce hadith est très très très important car comme vous pouvez constater, les actes qui sont cités dans ce hadith sont très très louables. N'est-ce pas que le fait d'apprendre la science fait partie des meilleures œuvres? Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah, il élève en degré ceux qui ont cru parmi vous et ceux à qui la science a été donnée. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et donc le fait d'apprendre la science est très louable. N'est-ce pas que les savants sont les héritiers des prophètes, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa innal ulama warathatul anbiya. Certes, les savants sont les héritiers des prophètes. N'est-ce pas que le fait de dépenser dans le bien fait partie des œuvres très louables? Certes, l'aumône efface les péchés de la même façon que l'eau éteint le feu, comme l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, à tel point que les savants ont divergé. Lequel est meilleur? El-Abidou, l'adorateur, celui qui s'adonne à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou El-Muhsin, celui qui dépense, qui a l'argent et qui dépense fisabilillah. Wa kathirun min al-ulama, beaucoup, radjahu, anna al-afdol ou al-Muhsin. Beaucoup ont dit que le meilleur, c'est celui qui dépense beaucoup dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils ont dit, il n'y a pas un abid, un adorateur, sans que celui-ci ait profité d'un muhsin. Il n'y a pas un adorateur, une personne qui s'adonne à l'adoration, sans que celle-ci ait profité d'une personne qui a dépensé. Tu vas à la mosquée, tu aimes rester à la mosquée, adorer Allah tabaraka wa ta'ala, tu as profité du fait que certaines personnes ont dépensé pour la construction de cette mosquée. Et donc c'est important. Et donc, ô chers frères, les actes qui ont été cités ici sont des actes très louables. Mais malgré le caractère louable de ces actes, cela ne leur a pas servi à grand-chose. Pourquoi? El-Ikhlas. Il n'y avait pas El-Ikhlas. Il n'y avait pas l'unicité, le fait d'accorder à Allah tabaraka wa ta'ala un culte exclusif. Ils avaient un problème dans leur intention. Et rappelez-vous la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala comme dans Sunan Abi Daoud, man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghayri taraktuhu wa shirka. Celui qui accomplit un acte dans lequel il m'associe à autre, je le délaisse lui et son polythéisme. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala délaisse cette personne ainsi que les agissements de celle-ci. Et donc il est important, chers frères, que on fasse attention à notre intention. Il y a dans ce hadith Khuturat al-Riya, le danger de l'ostentation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit innama akhwafu inam inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar fa su'ila anhu fa qala al-Riya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, certes, la chose qui me fait la plus peur vous concernant, c'est le polythéisme mineur. Ensuite il fut interrogé concernant celui-ci, il a dit al-Riya, l'ostentation, le fait d'agir pour obtenir les éloges des gens, pour que les gens ils parlent de toi en bien, le fait d'agir pour que les gens ils te voient agir. Et certes, pourquoi est-ce que cela est dangereux, Ria? Vous savez pourquoi, les frères? C'est parce que Ria nous concerne, nous. Ria, ça ne concerne pas ceux qui sont dans la rue en train de vendre de la drogue. Ça ne les concerne pas. Il se peut que lui, il soit dans la rue, il vend sa drogue, il fasse sa salate, hein? Ensuite, il meurt. Il n'a pas de ria. Par contre, ceux qui sont là en train d'accomplir, en train de faire, etc., c'est eux qui sont concernés par ria. C'est pour ça que les savants nous disent innama hadha yusabu bihi salihun huwa da'u salihin. C'est la maladie des pieux. La maladie des pieux. Et donc, il faut qu'on fasse très attention. Ne pense pas que tu es meilleur que autrui. Fais très attention. Beaucoup de salafs, ils disaient, ma jahadtu nafsi jahada ala niyya. Je n'ai pas fait d'effort sur moi-même comme je l'ai fait par rapport à mon intention. Fais innaha tanqalibu alayya. Car celle-ci, elle change. Tu commences avec une bonne intention, ensuite elle change. Tu fais quoi? Tu fais l'effort de combattre cette mauvaise intention. Et ne fais pas comme Iblis. Ne fais pas comme Iblis. Iblis, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala lui a montré ses fautes, lui a montré ses défauts, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner lorsque je t'ai ordonné? Allah lui a montré son péché. Au lieu d'admettre, Naam, j'ai fait, c'est vrai, astaghfirullah wa atubu ilayk, etc., etc. Il a fait quoi? Il s'en orgueille. Je suis meilleur que lui. J'ai rien fait de mal, moi. Je suis meilleur que lui. Il ne faut pas ressembler à Iblis. Il faut faire comme Adam, alayhi salam. Adam, lorsqu'il a fait son péché, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est repenti à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ. Et leur Seigneur les a interpellés. Ne vous ai-je pas interdit de vous approcher de cet arbre? وَأَكُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ. Et ne vous ai-je pas dit que le shaitan est pour vous un ennemi déclaré? Un ennemi déclaré? Qu'est-ce qu'il a dit, Adam? Est-ce qu'il a dit, na'am, wala kinnahu, etc., etc.? Non. Qala rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Il dit, ô Seigneur, nous nous sommes fait injustice à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas, et si tu ne nous fais pas miséricorde, nous ferons ça partie des perdants. Et donc, il est important, chers frères, qu'on admette notre faiblesse. Et qu'on ne fasse pas les grands, les beaux, les forts. Non, moi, l'ikhlas, jamais de problème, mon frère. Moi, ah non, alhamdoulilah. Mukhlis lillah. Admets ta faiblesse. Yarhamukallah. Admets que tu es un serviteur faible, comme le faisaient les salafs. Ces gens-là qui ont combattu les mouchriquines, qui ont combattu pour la propagation de l'islam, ces gens-là, ils admettaient leur faiblesse. Et nous, aujourd'hui, avec tous les péchés qu'on a, ah non, moi, mashallah. C'est moi. Et donc, il faut qu'on fasse attention à ça, mon cher frère. Barakallahu fikoum. On doit faire attention à notre intention. Lorsque tu viens faire talab al-ilm, lorsque tu viens étudier, lorsque tu vas dans une assise de science, lorsque tu combats dans le sentier d'Allah, lorsque tu dépenses dans le sentier d'Allah, tout cela, c'est l'illahi tabaraka wa ta'ala. Fais attention à te remettre en cause, à remettre en cause ton intention, tout le temps. Tout le temps. Et il y a aussi dans ce hadith, mon cher frère, le danger du polythéisme caché. Al-shirku al-khafi. Al-shirku al-khafi, c'est vraiment un sujet, malheureusement, les gens n'accordent pas beaucoup d'importance à ce sujet. Ils n'accordent pas beaucoup d'importance à ce sujet. Pourtant, il est dangereux. Le shirk, le polythéisme caché, se divise en deux. Il y en a un qui est mineur, il y en a un qui est majeur, qui fait sortir l'islam. Ce n'est pas que lorsque la personne va se prosterner pour autre qu'Allah qu'elle sort de l'islam. Ce n'est pas que lorsque la personne va invoquer autre qu'Allah qu'elle sort de l'islam. Il se peut que la personne accomplisse un acte de piété, qu'on voit, elle prie l'illah, mais elle est sortie de l'islam. Pourquoi? Parce qu'il y a ici du polythéisme caché et du grand polythéisme. Le grand polythéisme, celui qui fait sortir l'islam, le fait que cette personne accomplisse cet acte d'adoration à la base pour autre que Allah. Comme les munafiqines, comme les hypocrites. Voilà pourquoi certains savants comme Cheikh Ibn Baz, ils nous disent, le shirk al-khafi, quand il fait partie du polythéisme mineur, c'est le polythéisme des munafiqines. Et c'est le plus grave type de polythéisme. C'est le plus grave. Et donc il faut qu'on fasse attention, chers frères. Il faut qu'on fasse très très attention à ne pas tomber dans ce genre de maladie. Nous devons tout le temps nous remettre en cause quant à notre intention. Et certes, oh chers frères, le fait qu'on est notamment parmi les gens de science, ou parmi les gens qui s'affilient à la science, parmi ceux qui vont étudier la science, le fait qu'on ait des problèmes d'intention, c'est ça qui va causer la division dans la communauté musulmane. Parce que cette personne, lorsqu'elle ne fait pas cela pour la face d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour obtenir la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais qu'elle fait cela, elle fait cela pour les éloges, pour que les gens tournent autour d'elle. Cette personne va être prise par ce qu'on appelle hubbu ash-shuhra, le fait d'aimer la célébrité. Et le fait d'aimer la célébrité, tu n'aimes pas que les autres aillent étudier chez autrui. Tu n'aimes pas ça. Il faut que les autres qu'ils viennent chez toi, chez moi, viens étudier chez moi. Et elle est là la maladie. Elle est là la maladie qui va causer, comme on voit aujourd'hui, la divergence, les mises en garde sans raison. Pourquoi? Comme il dit Cheikh Abdullah al-Bukhari, pourquoi est-ce que tu veux que tes étudiants, pourquoi est-ce que tu veux qu'ils restent tout le temps à tes pieds? Et tu ne veux pas les laisser pousser et grandir et avoir des élèves comme toi, tu as eu des élèves. Et donc ça, c'est un gros problème, mon cher frère. Il faut qu'on fasse attention à notre intention. L'imam Ahmed, rahimahullah, il a dit à son fils, Wadid tu, Law annahu lam yunsab ila abik min dhalika shay. Walakin ibtulitu bishuhra. Il dit, j'aurais aimé que rien de tout cela ne me soit attribué. Les recherches, le hadith, etc., etc. J'aurais aimé que rien de tout cela ne me soit attribué. Cependant, j'ai été éprouvé par la célébrité. Ça, c'est la parole de l'imam Ahmed, rahimahullah. Il n'a pas cherché la célébrité. Il faut qu'on fasse attention lorsque tu commences à enseigner que tu ne cherches pas la célébrité. Et qu'ensuite, lorsque tu entends qu'il y a un frère à toi qui étudie, qui enseigne de l'autre côté, on t'interroge sur lui. Ah non, non, venez plutôt ici. C'est ici la sunna, c'est là, là, là, là-bas, non, non. Ça, c'est une maladie, ça. C'est une maladie. Et aussi, un autre point, un autre problème, c'est lorsqu'on va chercher à fuir de cette célébrité en délaissant nos obligations. En délaissant nos obligations. L'imam Ahmed, rahimahullah, il n'a pas délaissé le wajib. Il a fait le wajib. Il a fait ses obligations. Il a fait les recherches dans le hadith. Il a écrit son musannaf, rahimahullah. Il a combattu le bid'ah. Il n'a pas fui ses obligations. Même chose, Ibn Ma'in, il a dit la même chose. Il a fui la célébrité. Mais malgré cela, il a fait le wajib, Ibn Ma'in. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui. Et donc, il faut qu'on fasse attention à ne pas tomber dans un de ces deux pièges. Le fait de tomber dans l'ostentation, dans l'amour de la célébrité, et le fait de délaisser tes obligations par crainte de tomber dans l'ostentation et l'amour de la célébrité. D'accord? C'est important, mon cher frère. Certains peuvent nous citer l'exemple de Uwais. Uwais, qui lui, a fui la célébrité. Il a fui la célébrité. Lorsque Omar lui a proposé une place où il serait reconnu, etc., il a dit non, je préfère être placé parmi les faibles, parmi les gens qui ne sont pas connus. Laisse-moi, je vais, personne ne me connaît, c'est bien. Certaines personnes prennent cet exemple. Ouais, ouais, ouais. Nam, barakallahu fik. Ouais, il était à une époque où il y avait Sahaba. Il était à une époque où il y avait les ulama. Il était à l'époque de Omar. C'était quoi l'époque de Omar? C'était l'époque des futuhat. Où l'islam, il avançait, il se propageait, il se propageait, il se propageait. Le wajib, il était fait. Le wajib, il était fait. Aujourd'hui, on a une époque, les frères, on ne parle même pas de ulama, on parle tout le ilm. On parle de tout le ilm. Les ulama, subhanallah, ils sont tellement peu nombreux qu'aujourd'hui, ce n'est même pas de ça qu'on parle. On te parle, les frères, on a besoin de tout le ilm dans telle ville, dans telle ville, dans telle ville. Dans telle ville, on a besoin de tout le de gens qui enseignent. On a besoin de frères qui connaissent la langue arabe pour enseigner l'arabe à leurs frères. On te dit même pas tout le mail, mais on te dit des frères qui connaissent la langue arabe pour enseigner l'arabe à leurs frères. On a besoin. Et donc si aujourd'hui chacun délaisse ses obligations, ah non, c'est un tel qui va faire, c'est un tel qui va faire, c'est un tel qui va faire, qu'est-ce qui va arriver? On n'avance pas. On n'avance pas. Et on reste dans la situation dans laquelle on est. Et donc il est impératif, barakallahu fikoum, qu'on fasse très attention à comprendre ce sujet. À comprendre ce sujet. Et le fait de mal comprendre ce sujet peut entraîner un très grand mal dans la communauté. Wa jazakumullahu khairan. Le hadith d'après, inshallah ta'ala, An Abi Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, An il Nabi sallallahu alayhi wa sallam a kol, Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-ilm, Ka mathali al-ghayth al-kathir, أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء أنبتت الكلى والعشب الكثير. Et donc certes l'exemple de ce avec quoi Allah m'a envoyé parmi la telle que la guidée et la science. Ici el-houdé parfois elle vient dans le sens de la science. El-houdé parfois la signification de la science. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. C'est celui qui a envoyé son prophète avec el-houdé et la religion de vérité. Les savants du tafsir ils nous disent el-houdé ici c'est l'ilm. Il est celui qui a envoyé son prophète avec el-ilm wa din al-haq, l'application de ce ilm, l'application de la science. Et donc parfois el-houdé il vient dans le sens de la science. Mais ici el-houdé vu que el-houdé est cité avec la science, ici el-houdé n'a pas le sens de la science. C'est la guider. Le fait que Allah tabaraka wa ta'ala guide ses serviteurs. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé son prophète avec la guidée et la science. Et cet exemple est comme l'exemple d'une pluie, d'une forte pluie qui va toucher une terre. Et certes, il y a certaines parcelles de cette terre qui sont pures et qui acceptent cette eau. Qui sont pures et qui acceptent cette eau. Et qui vont par la suite pour produire, faire pousser beaucoup de verdure. وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبْ أَمْسَكَتِ الْمَاءِ. Et certes, il y a certaines parcelles de cette terre qui... Al-Ajadib, c'est le pluriel de Jadb. Al-Jadb, c'est ce qui est lié à la sécheresse. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, وَلَكَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ. Certes, nous avons saisi la famille de Pharaon, les suiveurs de Pharaon, بِالسِّنِينَ. Les savants du tafsir nous disent, السِّنِينَ, c'est Al-Kuhout wal-Judoub. Al-Judoub. Donc là, on vient au terme el-jeb, la sécheresse. D'accord? La sécheresse, le manque de pluie. Et donc, il y a une terre, il y a une parcelle de cette terre qui est sèche et qui... Naam, amsakatilma, une parcelle qui est sèche et qui accepte, ou du moins qui, donc, garde l'eau. Elle garde l'eau. Fanafa'allahu biha. Fanafa'allahu biha an-nas. فَشَرِبُوا وَسُقُوا وَزَرَعُوا وَسَقُوا وَزَرَعُوا. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala a fait que les gens ont tiré profit de cela. Ils ont donc bu, ils ont abreuvé leurs bêtes et ils ont donc cultivé avec cette eau. Cela leur a été profitable. وَأَصَابَتْ طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيَاعٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِئُ كَلَا. Et certes, cette eau a aussi touché Ta'ifatan okhra, ici Ibn Hajar, il nous dit ce qui est voulu par Ta'ifa, c'est Buka. Et donc, cette eau a touché donc une autre parcelle de terre. Cette eau a touché une troisième parcelle de terre. Celle-ci, elle est lisse, Ki'ar. Celle-ci, elle est lisse et elle ne retient pas l'eau et ne va pas non plus faire pousser quelconque type de verdure. Fadhalika mathalu man faqiha fi dinillah wa nafa'ahu. Alors ceci, donc ce que le prophète nous a cité, c'est l'exemple de celui qui a appris la religion d'Allah et dont Allah tabaraka wa ta'ala lui a permis de profiter de ce avec quoi il a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors celui-ci, il a appris et il a enseigné. Et ceci est aussi l'exemple de celui qui n'a accordé aucune importance à cela. Il n'a accordé aucune importance à ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Il n'a pas accepté la guidée d'Allah avec laquelle il m'a envoyé, avec laquelle j'ai été envoyé, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith, il est très important, chers frères, concernant, encore une fois, l'intention et l'application de la science. L'intention et l'application de la science. L'imam al-Bukhari, hafizahullah, il a cité ce hadith dans son sahih, dans le chapitre « Man ta'allama wa 'allam ». Le chapitre concernant celui qui a étudié et qui a enseigné. Oh, chers frères, ici, on a l'exemple de trois différents types de personnes. Trois différents types de personnes. Cette personne qui entend donc parler de la révélation. La révélation, la science et la guidée avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne qui va apprendre comme cette parcelle de terre qui va accepter l'eau, qui va accepter l'eau, cette personne qui va œuvrer avec sa science et qui va la propager. Cette personne ressemble à cette parcelle de terre qui accepte l'eau et qui laisse donc aussi et qui va aussi donc faire pousser de bonnes plantes. Cette personne va accomplir de bonnes actions et va profiter de cette science qui lui a été donnée. Et on a aussi un autre type de personne qui va faire du bien, mais d'un autre genre. Cette personne qui va apprendre cette science, mais qui va la mémoriser. Elle va la mémoriser. Elle ne va pas faire ce qu'on appelle être tafakkur. Elle ne va pas forcément chercher à comprendre cette science. Elle la mémorise et elle la transmet. Elle la mémorise et elle la transmet. Comme elle l'a mémorisée, sans la modifier. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Naddara Allahu mru'an sami'a maqalati. Qu'Allah azza wa jal embellisse un homme qui a entendu maqalati, qui a entendu mon hadith. Fa'addahu, et qui l'a transmis. Qui l'a transmis comme il l'a entendu dans certaines narrations. Et donc, ici, certains savants nous disent, voilà ce qui est voulu ici. D'autres savants nous disent, c'est celui qui a appris, walam yuzakki ilmahu. Et il n'a pas purifié sa science. C'est-à-dire qu'il a appris, mais il n'a pas fait les efforts pour transmettre sa science. Mais par contre, il a œuvré avec celle-ci. C'est pour ça qu'Ibn Hajar nous dit, cette personne-là, lam ya'mal binawafil ilmi. Cette personne n'a pas œuvré avec les aspects, les éléments surérogatoires de la science. Mais elle a fait les obligations. Et donc cette personne a quand même fait du bien à tel point que les gens ont pu profiter de cette personne-là aussi. Voilà pourquoi elle nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, le deuxième exemple, c'est l'exemple de cette terre qui est sèche. Cette terre qui est sèche, mais qui rassemble quand même l'eau. Et donc elle a quand même pu rassembler cette science et les gens en ont profité, ils ont bu, etc. Cette terre n'a pas fait pousser de verdure. Mais elle a quand même gardé l'eau et les gens les en ont profité. Et donc ces deux exemples-là sont profitables. Il faut que chacun d'entre nous, il faut qu'on fasse partie de cela. Que tu t'efforces, Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il nous dit, il est important de mémoriser. Notre religion, elle nous pousse à la mémorisation. Que tu t'efforces de mémoriser. Attention, on a parmi les salafs, on a deux formes de mémorisation. La mémorisation par cœur et la mémorisation dans l'écriture. Le fait que tu notes, c'est important, cher frère. Souvent, on vient à des cours, on se pose, on écoute. Machallah, c'est profitable, à la fin du cours, on part. Deux jours après, c'est oublié. Deux jours après, c'est oublié. Un jour, tu en as besoin de cette science, tu as besoin de cette faïda que tu as appris. Ah, je me rappelle, c'était dans un cours, Wallah, c'était dans un local à Mulhouse. Je ne me rappelle même plus le local, c'est pour te dire, etc., etc., etc. Et c'est là que tu vois que, oh, cher frère, il est important qu'on note. C'est important de noter. C'est très important. Si tu ne notes pas tout de suite, alors note une fois que tu es à la maison, lorsque tu réécoutes les enregistrements. Ce n'est pas normal qu'on accorde aussi peu d'importance à l'ilm. C'est du ilm, mes frères. On en a besoin. C'est pour nous. C'est pour nous. Si on va à une formation pour dounia, on va rester comme ça. On va tout noter. De A à Z. On se pose, on ne bouge pas. Soit tu notes pas, soit tu écoutes tout. Tu es comme ça, tu ne bouges pas. Il faut qu'on accorde de l'importance à cette science. Qu'on cherche à la mémoriser, qu'on cherche à la comprendre. Pose-toi et note. Fais partie de ces deux premiers groupes qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ne fais pas partie du troisième groupe. Hein? Celui qui n'accorde aucune importance à cette science. Lam yarfa bihi ra'san. Il n'accorde aucune importance à cette science. Comme l'eau, comme la terre qui est sèche et comme la terre qui glisse, l'eau. Elle vient, elle glisse dessus, la terre ne retient pas cette eau et elle ne laisse pas pousser non plus, donc de verdure. Qui en profite? Personne. Cet exemple-là, oh cher frère, est vraiment, donc il ressemble vraiment à ceux qui vont écouter les durous tout en faisant autre chose. Tout en faisant autre chose. Écoute les durous, ils font autre chose en même temps. Fais ce que tu fais, tu as des tâches ménagères à faire, tu as un travail à faire, fais ton travail. Concernant les durous, fais-les quand tu es concentré, frère. C'est de la science. C'est très important. C'est une cause de paradis ou d'enfer. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas énergie qu'on est en train d'écouter. C'est du ilm. Il ne faut pas qu'on fasse de la science La même chose que les gens, ils font pour leur radio, pour leur péché. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que c'est dans ton téléphone que ça veut dire que c'est au même niveau que les musiques des chanteurs qui font des péchés. Et ensuite, on s'étonne parfois du fait que les jeunes qui sont autour de nous n'accordent pas d'importance à la science. Nous-mêmes, on leur montre que la science n'a pas de valeur. Nous-mêmes, on leur montre que la science n'a pas de valeur. Et donc, eux, ils prennent exemple sur nous. Ils ne vont pas assister au Doulous. Vu que de toute façon, même ceux qui assistent, ils l'écoutent en faisant le ménage. Ce n'est pas quelque chose d'important. Et donc, c'est important, cher frère, qu'on fasse des efforts. Jahid nafsek. Fais des efforts sur toi-même. Fais des efforts sur toi-même. Je sais, ce n'est pas facile. Vous allez me dire, Abdelkarim, si on fait ça, c'est parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Je vais te dire, nous tous, on n'a pas le temps, frère. Nous tous. Nous tous. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, « La nyushad ahadun al-ilma illa al-dina illa roulib. » Aucun d'entre nous n'essaiera de prendre pleinement et durement la religion sans que celle-ci n'ait le dessus sur lui. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire. Et donc, tu vas choisir. Voilà pourquoi, après cela, le prophète, il nous a donné, il nous a orienté. Il nous a orienté, il nous a montré certains moments où on peut donc profiter pour nous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration, l'apprentissage de la science et autres. Il nous a cité, sallallahu alayhi wa sallam, al-rawha. Al-rawha, c'est quand? Al-rawha, c'est le moment où les gens, ils se reposent en début d'après-midi. Hein? C'est le moment où les gens se reposent en début d'après-midi. Même ici, même les koufars, ils ont la pause. Même les koufars, ils ont la pause entre midi et deux. À ce moment-là, profite. Profite à ce moment-là pour réviser quelques hadiths, réviser quelques versets, lire un peu le Coran. On a aussi la fin de nuit. Shay min ad-dujja. Ou dulja. Et donc, la fin de la nuit. On doit profiter de ce moment-là. C'est important, à ce moment-là, il n'y a personne qui va te déranger. Aucun enfant qui va venir, ah papa, s'il te plaît, aucune épouse, s'il te plaît, ce que tu peux. Personne ne va te déranger. Lève-toi, frère. C'est à ce moment-là que tu vas faire talab al-ilm. C'est à ce moment-là que tu vas réviser. Personne ne va te déranger. Aucun patron qui va te dire, s'il vous plaît, monsieur, vous pouvez venir, heure sup, etc. Personne ne t'appelle à cette heure-là. Personne. Personne. Et aussi, après Fajr. Le moment dans lequel on est là. Après Fajr. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Les savants nous citent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé des termes qui montrent des moments spécifiques. Mais les termes qu'il a utilisés, ce sont des termes utilisés par les voyageurs. Et cela nous montre que nous ne sommes que des voyageurs. Tu es ici-bas juste pour voyager, frère. Tu es ici dans un voyage. Tu viens, tu passes dans le dunya et après tu repars. Tu n'es pas venu pour rester. Ça ne sert à rien de te fatiguer pour cette dunya. Ça ne sert à rien. Fatigue-toi pour l'au-delà. Pour l'au-delà. Et donc, suis les recommandations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je sais que ce n'est pas facile, les frères. Je le sais très bien. Mais le prophète nous a orientés. Il nous a montré la voie à suivre si on veut réussir à donc donner le droit à toute personne qui a des droits sur nous. Notre corps, nos enfants, nos épouses, nos collègues, etc. Et en premier lieu, le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, on va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on continue demain, bi'idhnillah, tabaraka wa ta'ala, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.